Micro ouvert. Bonjour. Asseyez-vous. Ah, j'adore le lundi. Bon alors, aujourd'hui, on va commencer par l'élection des délégués. Est-ce que les candidats peuvent se lever et venir au tableau, s'il vous plaît? Alors les enfants, vous allez d'abord vous présenter chacun vos tours en une phrase. Donc moi c'est François et je voudrais qu'on travaille plus pour avoir les meilleures notes des CM de toute l'école. Ok, moi c'est Jean-Luc. Et François il dit n'importe quoi. Il y a trop de devoirs, donc je dis vive la récré. Ouais. Moi c'est Benoît. Je trouve qu'il y a trop de devoirs aussi et donc pas assez de récré. Monsieur, donnez-moi une copie sur moi. C'est vrai. Qu'avez-vous les enfants, hein? Marine. Alors moi je propose qu'on favorise notre classe, les CM2A par rapport aux autres CM2. Parce que je les aime pas. Ok, Emmanuel? Ah, moi, c'est Manu. Je suis un peu d'accord avec François, mais c'est pas bête ce que disent Benoît et Jean-Luc. D'accord. Alors, les enfants, vous avez tous parlé du travail et des devoirs. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Regardez-vous, camarades, vous êtes épuisés. On travaille 24 heures par semaine pour 3 heures de récré. À quoi ça sert de travailler autant si on ne peut même pas profiter des récré? Je propose qu'on inverse. 3 heures de travail pour 24 heures de récré. Ouais. Moi, je propose 24 heures de récré pour... 3 heures de travail. Mais tu arrêtes! Stop, on arrête, on se calme. C'est juste des élections de délégués. Mais monsieur, Jean-Luc et Benoît, ils disent n'importe quoi. Si on fait ça, on n'aura jamais fini le programme de Géo-Aton. Alors moi, je vous propose 30 heures de travail et aussi le catéchisme obligatoire pour tous. Mais on s'en fout du programme de Géo et le caté, c'est pour les faillots. Ouais, arrêtez les enfants. Marine. Pour moi, la priorité, c'est les SEM de A. On est une classe forte, avec des élèves forts, et je crois que dans cette classe, il y a des élèves qui sont arrivés en cours d'année et qui empêchent les autres de bien travailler. Et tu sors ça d'où? Bah, je sais pas, mon papa, il dit ça tout le temps. Bah, ton papa, il est nul à chier, ok? Ok, stop. On n'insulte pas et on respecte les familles des autres, hein, d'accord? Est-ce qu'on a quelqu'un dans la classe qui veut poser une question à nos candidats? Oui, Diane? François, c'est vrai que t'as donné les crayons de couleur du SEM de A à ton amoureuse du SEM de B? Bah oui. Mais en même temps, elle le méritait, hein. Elle nous avait aidé à faire la frise chronologique pour le cours d'histoire. Excusez-moi, monsieur le duc, il faut que j'accompagne la petite Marine chez monsieur le directeur. Apparemment, ça fait 2 ans qu'elle aurait pas rendu les crayons de couleur à la bibliothèque. Quoi? On est en pleine élection, là, je tiendrai pas, c'est un complot! C'est vrai, on peut peut-être attendre la fin des élections pour toutes ces histoires de crayons de couleur, hein. Bon, ok, Marine, mais faudra passer plus tard. Sale voleuse! C'est François le voleur! Si, mais Manuel est pas net, hein. Bon, dites-nous chacun un projet que vous aimeriez réaliser si vous êtes élu. Je propose de faire une classe verte. Mes parents, ils ont une petite maison dans la Sarthe. Ce serait parfait. Et comment tu comptes financer ça? Mais c'est simple, on fait payer infirmière aux élèves de l'école. Mais c'est n'importe quoi! Moi, je suis pour la légalisation du mâchage de chewing-gum en classe. Ouais. Et moi, je suis pour la légalisation du mâchage de chewing-gum dans toute l'école. Et qu'on fasse passer la note minimum de 0 à 10. Et moi aussi, je veux qu'on passe la note minimum de 0 à 10. Tu vois? C'est toi qui copie. Non, c'est toi! Eh, on se calme, hein, Emmanuel. Je sais pas, on doit avoir un programme. C'est nul. Moi, je voudrais que la kermesse de l'école, elle soit juste pour les CM2A et plus pour les CM2B. Je mets Marc qui pique tous nos bobos et nos cadeaux. Mais t'es complètement ch'tarvée, ma pauvre. Tu me plais! Stop, on arrête! Allez, stop, on se remolie, s'il vous plaît, les enfants. Oh là là, ça va pas ou quoi? Bon, on va arrêter la campagne tout de suite, hein. Vous vous rendez compte, hein, vous devenez complètement malade, vous devenez irrespectueux, là. On va passer au vote et on n'en parle plus. Je suis colère, hein. Je suis chafouin, j'aime pas ça. Bon, c'était très serré, hein. Par contre, Jean-Luc et Benoît, vous auriez peut-être dû vous accorder avant. Hein. Bon, bref. Le ou la nouvelle déléguée de la classe est... On s'en bat les couilles. Les enfants, je vous présente votre petit correspondant américain, Donald. Alors déjà, je suis pas petit. Et moi, mon idée, c'est de construire un grand mur juste ici pour séparer les élèves beaux des élèves moches. Oui, vous êtes moches. Est-ce qu'on peut donner ton prénom ou tu préfères pas? Oui, bien sûr, pas de soucis. Christophe, alors? Christophe, je m'appelle Christophe. Bonjour Christophe, et on se retrouve alors dans ton petit bateau sur la Meuse, en face du CHU de Namur. Exactement. C'est le point de rendez-vous, on s'est donné... c'est le point de notre rendez-vous ici, là, maintenant. Donc, je découvre ton petit bateau, je te revois, toi, parce qu'on s'était déjà croisés. Et moi, ce qui m'a impressionné la première fois où on s'est vus, ouais, il y a la tondeuse, là, qui passe et repasse, mais le micro est bon. La tondeuse aussi, elle est bonne. on entend notre voix, hein, il n'y a pas de problème, mais... On entend bien la voix? Oui, on entend. Notre voix est plus forte. Ah oui, d'accord. Mais ouais, on devrait entendre le bruit de la flotte, en fait, si on dit qu'on est sur un bateau, tu vois ce que je veux dire. sur les robots de la Meuse, ouais, c'est juste. C'est pas vraiment le cas, quoi. C'est la tondeuse qui vient... Bon, reprenons l'histoire. Et donc, moi, je t'ai croisé à un moment donné, un matin, et j'ai halluciné parce qu'on a sympathisé comme ça, on a un peu échangé. Tu m'expliquais que t'étais dans ton petit bateau et que toi, t'avais l'habitude de pas vivre... si j'ai bien compris, t'étais de la région, c'était du côté de Dinan. Mais que tu t'étais cassé plusieurs fois vivre avec les Indiens à bord de ton bateau. Mais bon, si j'ai bien compris. Les Guarani. Voilà. Et du coup, je me suis dit, oh, mais moi, ça m'intéresse d'être rencontré, discutons-en. Et tu as été d'accord. Ça, c'est toujours super, évidemment, que tu acceptes l'invitation. Et voilà, j'avais envie de te donner la parole. Je t'ai expliqué aussi un peu le sens de micro ouvert. Hein. Le micro ouvert, c'est donner la parole aux gens, mais aussi un peu. Sur le sens que la vie, au fond, comment tu fais, toi, pour vivre. Est-ce que tu as envie de faire une petite présentation de toi? T'es né où, d'abord? Moi, je suis de Charleroi. Je suis né à l'hôpital de Jumet. Après ça, bon, la famille s'est séparée. Ma mère était à Bruxelles et mon père est resté à Charleroi. Mais une partie de ma jeunesse, je l'ai passée à Bruxelles, quoi, ça, c'est vrai. Entre Bruxelles et Charleroi, du coup. Entre Bruxelles et Charleroi. Et quoi? Et qu'est-ce que t'aimais faire plus jeune, alors, du coup? Qu'est-ce qui fait que t'as un moment donné, Les randonnées. Ah ouais? Ah ouais, je suis un randonneur, ouais. Un globe-trotteur, le mot juste. Déjà de tout petit. Et quoi, ça... Déjà tout petit? Oui, déjà tout petit, la liberté. Mais ça t'est venu comment? Qui t'a donné le goût de ça? C'est venu tout seul. Je peux pas dire que j'ai eu une chose spécifique, quoi. C'était en moi. La téloche, un livre Ouais, peut-être aussi parce que j'étais intéressé par des livres sur la préhistoire. Et tout. J'avais beaucoup. Enfin, là où j'étais, quand je vivais chez ma mère, c'est vrai que j'avais une bibliothèque avec les anciens livres qu'on mettait dans le temps. Et j'ai toujours... Bah, t'aimais lire. Pardon? Tu aimais lire. Jamais lire, oui. Oui. Ça sert à jamais lire. Peut-être ça a été le déclenchement de dire, tiens, d'aller connaître autre chose que son entourage, à la rigueur. Connaître et voir d'autres personnes, d'autres cultures. Je suis attiré par ça, quoi. Que de rester sur place, quoi. Mais disons que t'as commencé à découvrir la chose dans les bouquins, quoi. Oui, c'est exact. Et puis, essaye de nous raconter des moments forts de ton passé, de ton existence. Peut-être tu n'y réfléchis pas souvent non plus, peut-être. Est-ce que tu réfléchis aujourd'hui à ton passé ou plutôt tu préfères ne pas le regarder? Non, mon passé, je le garde comme une histoire. Voilà, c'est mon histoire. Mais sinon, je suis au présent. Voilà, c'est tout. Je reste au présent. Le futur, on ne le voit pas. Mais le passé, regarde, il y a un très beau proverbe bouddhiste qui dit regarde ton passé pour pas recommettre les mêmes erreurs dans le futur. Et je crois que ça, c'est pas mal non plus. Comme ça, on recommet pas la même erreur pour le futur. Mais sinon, non, je vis au jour le jour. Je préfère. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, moi je te retrouve dans ton bateau ici, là maintenant, t'as quel âge? 56 ans. Et raconte-nous alors, comment. C'est quoi un peu ta vie? C'est quoi Ma vie, c'est l'aventure. Voilà. J'ai déjà fait Bruxelles, Espagne à pied. Je l'ai fait 3 fois. Que de prendre le train, et je me débrouille. Enfin, j'essaye aussi, personnellement aussi, de vivre avec le minimum possible. Donc, ce qui est la supervivence, évidemment, quoi. Ce que j'aime bien. Quoi. Je fais des cabanes, j'aime bien faire du feu. Voilà, quoi. Pas revenir à l'âge préhistorique, faut pas aller jusque-là. C'était peut-être bien, hein? Oui, non, pas de souci, mais ça me permet à moi d'être un peu... c'est vrai que je suis un peu contre la société, avec toutes ces technologies, ces trucs comme ça, de revenir un peu à l'essence même de ce qu'on est. Mais c'est personnel, moi ça me fait du bien, quoi, que de rester sur place et tourner en rond, quoi, voilà, quoi. Mais c'est ma personne. tout le monde est différent. Quoi, voilà. Oui, mais c'est chouette de te rencontrer. C'est pour ça que je te tends le micro. C'est parce que t'as une manière de vivre. Mais j'ai l'impression que c'est pas facile non plus. Que c'est pas... Faut pas... Comment dire... C'est pas tout rose non plus, quoi. Non. Mais bon, ce qui n'est pas rose, ce sont... En fait, ce qui n'est pas rose dans l'histoire ici, c'est bien aussi. Pourquoi ? Parce que ça fait une expérience de vie. Si tout était rose, je pense pas que ça existe sur Terre, quoi. Donc, on est obligé de passer par des épreuves personnelles, parce que toutes les épreuves sont personnelles. Si tu ne mets pas tes doigts dans 220, tu ne sauras jamais que c'est du 220. Pour donner une image plus facile, quoi. Et ouais, ça se coud. Mais tu dis, hein, si tu ne veux pas en parler, hein, que tu as vécu aussi un peu dans la rue. Oui, il y a une partie de ma vie que j'ai quand même 4-5 ans de rue, dont je connais les gens de la rue aussi. Ouais, c'était une belle expérience aussi. J'ai fait la manche, j'ai fait les terrasses avec des copains qui faisaient la guitare. C'était une belle expérience. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a... Moi, je crois qu'une fois qu'on fait partie de ces gens qui ont connu la rue, même des anciens copains que j'ai connus aussi, on revient toujours à la rue. On ne sait pas pourquoi. Ça fait partie de notre destin, je crois, de rester toujours libre dans la rue. Je sais, c'est difficile. Comme je vois les gens ici, pour faire la manche, parce qu'il n'y a pas de travail, il faut faire la manche pour avoir un peu de nourriture. Mais ça donne une trop grosse liberté aussi de dire, bon, je m'en lave les mains, les autres travaillent, moi je suis là, je me mets devant le magasin, j'ai mes petites monnaies. Quoi. Eux l'interprètent comme ça. Mais l'autre interprétation, c'est que moi je vois que même à cette époque-ci, on n'aide pas beaucoup les gens. Quoi. Parce que s'ils restent dans la rue, c'est qu'on n'aide pas les gens. Quoi. Ça, je trouve... surtout ici en Europe. Hein. Moi, je passe plus de l'Europe. Quoi. Par contre, quand tu vas à l'étranger, c'est vrai que, comme l'Amérique du Sud, par exemple, même si les enfants sont dans la rue, parce que j'ai participé en Amérique du Sud pour aider les jeunes de la rue, parce que bon, le problème de chez eux, qu'ils ont un peu comme l'Afrique, ils font beaucoup d'enfants, et puis ils ne savent plus les nourrir. Quoi. Alors, où il est à l'âge de marcher, s'il n'y a pas de travail, le gamin, qu'est-ce qu'il va faire? On les appelle les cartonneros. Ça veut dire les enfants du carton. Donc, ils vont chercher les cartons dans la ville et nettoient la ville en même temps. Mais ils font quelque chose. Le problème, il y a toujours le pour et le contre. Le problème, c'est la colle. Ils respirent de la colle et ça, c'est un fléau pour eux. Quoi. C'est vraiment un fléau pour eux, ça. Et ça touche. Ça me touche. J'ai travaillé pour eux. J'ai travaillé dans une agence là-bas pour aider ces enfants-là. Et on refaisait, on faisait des hamburgers de soja, du lait de soja pour leur donner un peu de force, quoi. Dans une association, quoi, pour enfants, quoi, là-bas. Ben, ça a été 10 ans de ma vie que je pourrais y retourner, quoi. 10 ans, c'est pas mal. T'es resté 10 ans là-bas, oui. à faire ça. Non, pas faire ça, hein, parce que, bon, pas faire ça tout complètement non plus, quoi. Il y a une passage de ma vie aussi que j'ai rencontré une femme, ma femme, qui était mon ex-femme maintenant, mais qui était ma femme en ce temps-là. Je l'ai rencontrée ici en Belgique. Je me suis marié avec. Et comme elle a vu que moi, j'étais ça me dérange pas, moi, n'importe quel pays, je m'installe, voilà, quoi. Et je suis parti là-bas. Et en partant... Avec elle, alors ? Avec elle. Avec elle était partante pour le voyage. Elle est partante pour le voyage. Aussi. Chouette au départ, non ? Oui, mais de toute façon, elle était d'origine argentine aussi, hein, parce que c'est l'Argentine spéciale, moi, que j'ai fait. Hein. Après, bon, j'ai fait un peu Brésil, le reste, et après, les Guarani, c'est beaucoup plus tard. Quoi. Quand je me suis séparé, bon, je me sentais un peu plus libre que quand j'étais marié, évidemment. Et libre de quoi, justement, tu vois ? Libre de quoi ? De pas tout le temps avoir quelqu'un sur le dos ? Un peu, ouais, si on peut dire ça peut-être à la rigueur, parce que c'est toujours la période, comme on dit, la période des 8 ans, 9 ans... apparemment, on dirait que ça existe. Ça a été compliqué après. Et bon, j'étais pas. Moi, je travaillais plus la nuit. Elle travaillait plus la journée. Bon, voilà quoi. Moi, je travaille comme je vous ai dit, hein, comme thérapeute et tout ça. Donc, moi, j'allais à domicile avec ma petite mallette. J'allais à domicile. Excellent, excellent. Ouais, voilà quoi. Et mais quoi, là-bas, alors, en Argentine ? Tout ça, ouais, c'était en Argentine. Ici, non. Tout ça est en Argentine. Donc ça, c'est 10 ans de ta vie en Argentine ? 10 ans de ma vie en Argentine. Une partie avec ta femme et tu te sépares là-bas ? Oui, je me sépare là-bas, ouais. Okay. Et c'est là que j'ai rencontré plus parce qu'il y a deux parties en Amérique du Sud, il y a deux parties. T'as le pauvre et le riche, voilà. Il n'y a pas de classe moyenne chez eux. Ou tu réussis pas. Mais tout est dans le complexe du pays quand même. Il y a quand même toute une partie gratuite pour les gens. Il y a beaucoup d'hôpitaux gratuits pour les gens, comme il y a des hôpitaux qui sont payants. Quoi, voilà, quoi. Comme ici, non? Ouais, bah, ouais, bien sûr, ouais, comme ici. Ah, moi, je ne sais pas si j'avais été là-bas. Et puis encore, il y a combien d'années de ça dont tu parles? Il y a déjà un bout de temps quand même. Je vois que je suis revenu en 2002. Ouais, en 2002, je suis revenu. Je suis parti en 1993 et je suis revenu en 2002. Et en revenant en 2002, j'ai encore eu de la chance. J'ai travaillé pour le Club Méditerranée. Mais non. Si, j'ai mes contrats ici. Je travaille au Club Méditerranée et là, je suis parti en Tunisie à Djerba Ladouze. Et là, à Djerba Ladouze, j'ai fait 6 mois parce que le Conseil extérieur Europe pour le Club Méditerranée, c'est 6 mois. Là, je suis parti 6 mois. Et là aussi, la même chose avec la population. J'ai fait des petits contrats avec des gens parce que comme le dirham n'était pas très élevé encore en ce temps-là, avec ceux qui faisaient les calèches. Lui me donnait ses cartes et moi, je les distribuais dans le club. Quoi. Les cartes de quoi? Ben, la carte du monsieur qui s'occupait des calèches avec ses chevaux. La carte pour donc, faire son itinéraire? Oui, il avait son itinéraire avec sa carte. Oui. Alors pour à la rigueur, pour, je veux dire... Pour, faire sa pub, quoi. Oui, voilà, exactement, faire sa pub, chercher le nom. Oui, faire sa pub. Et de ça, j'ai été chez lui, on était... enfin, vous savez comment ils sont, hein. Voilà, quoi. La famille, les enfants, les trucs. Quoi, plutôt sympa, ça. Oui, franchement, génial. Ce sont des bons souvenirs, quand même, quoi. Ce sont des bons souvenirs. Donc j'ai fait mes 6 mois, je suis revenu, je suis revenu chez ma mère à Bruxelles, et après 3-4 mois, je suis reparti en Espagne. Et là j'ai 8 ans d'Espagne. Où ça en Espagne? Moria d'Ebre et Moria la Nova. Où se trouve où? Nord, sud? Non, sud. C'est dans les montagnes, c'est passé Barcelone, et puis vous avez Hospitalet, qui s'appelle Hospitalet, quand vous passez Barcelone, Hospitalet. Et tu remontes sur ta droite, et il y a quoi, une bonne heure de marche, et puis il est marqué Moria d'Ebre, Moria la Nova. Et là, je suis resté 8 ans. Et tu faisais quoi alors là? Ben là, je faisais les olives, les vendanges, enfin ben non, pas les vendanges, les olives, les mandarines. T'arrives toujours à trouver un petit boulot en fait? Oui, franchement, j'ai plus facile à trouver du travail comme ça. Aller chercher des papiers, des patrons, des trucs comme ça. Quoi. Pendant longtemps, j'ai fait ça aussi. Moi, je connais les saisons. Hein. Je suis saisonnier aussi. Hein. Je faisais les saisons. Quoi. Et c'est comme ça qu'il me permettait de descendre, hein, jusqu'en bas. Quoi. Jusqu'en bas. Et toujours avec le sac à dos et la tente. Genre. Sans papier. J'étais sans papier pendant longtemps. Quoi. Tu veux dire sans carte d'identité? Sans carte d'identité. Enfin, si, carte d'identité. Mais bon. Ah, t'avais quand même ta carte d'identité. Oui, ah ouais, parce que voilà. Sans papier, c'est ouais, pas non. Un. Ouais, c'est vraiment galère alors. J'avais ma carte d'identité qui n'était plus valable, mais bon, voilà quoi. Ça a duré des années comme ça aussi. Inconnu au bataillon. Et voilà, dans les bois, chasser, mettre des pièges, décoller, des machins. Enfin, faut vivre. Hein. Voilà. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que tu sais faire, en tout cas. Ah oui, ça c'est certain. Quoi. Parce qu'on entend, c'est des perruches? Oui, c'est des perruches. Il y a 4 perruches, là. Deux mâles et 2 femelles. Elles viennent d'où, celles-là? D'ici. Ouais, elles viennent d'ici, ici. Elles viennent d'ici. Mais elles sont encore jeunes, celles-là. J'ai encore attendu, je crois, avant qu'elles fassent des jeunes. C'est aussi un petit commerce. Tu t'en fais un business ou quoi? Bah oui. Une fois qu'elle aura 2 jeunes, je vais pas garder 50 000 perruches dans mon bateau. Hein. Mais quoi, mais qui va vouloir d'une perruche? Ouais, c'est un oiseau qui se vend bien. Quoi. On dirait pas comme ça, hein, mais chaque fois que j'étais, par exemple, tout le monde connaît ici en Belgique, Tomeco, Poil et Plumes ou des trucs comme ça. Magasin, pour ceux qui connaissent pas, on sait jamais, mais ouais, on sait jamais. D'animaux, quoi. Voilà, c'est quand même incroyable, hein, c'est quand même incroyable de faire des magasins uniquement pour les bêtes, quoi, non? Je trouve ça. Non, mais c'est toi qui as voyagé. Ouais. Ça existe vraiment dans les pays riches, ça, quoi. Des magasins. Je veux dire, les... Non oh, ça existe partout, ça. C'est un oiseau qui. Mais non. Je parle des magasins. De... Magasin qui fait uniquement de la nourriture. Pour les animaux. Tout ce qui est pour les animaux. Ouais. Tu vois. Moi, je trouve ça hallucinant. Je trouve ça génial. C'est chouette. Comme ça, si tu as un point de chute, tu sais que dans ce magasin-là, tu peux trouver ce que tu cherches. Et voilà quoi. Que dans les grands magasins, souvent c'est des trucs chinois ou je sais pas quoi, que tu prends un harnais dans un magasin, dans un GB ou un truc comme ça, après 6 mois, le harnais il est foutu quoi. Tu payes peut-être un peu plus cher, mais ton harnais il est sécurisé quoi. Moi j'ai mon harnais pour mon chien aussi, son harnais de sauvetage. Bah, je préfère aller l'acheter à Tomeco ou à Pôle et Plume. Hein. On parle de facilité. Moi, je parlais plus du concept du magasin, quoi. Du concept du magasin, tu comprends? Il y a des magasins de nourriture, il y a des magasins de plantes, il y a des magasins et aussi d'animaux, quoi. Me disais, toi qui as voyagé comme ça, chez les Indiens, quoi. Ils doivent halluciner, eux, quand tu leur dis qu'en Europe, il y a des magasins, non? Ah oui, non, oui, dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. Eux, ils s'occupent, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Hein. Eux, ils vont le chercher, quoi. C'est pas la même chose, quoi. Dans la nature, enfin, dans leur nature, parce que voilà, c'est leur nature. Dans leur bois, eux, je vais dire. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Il faut juste regarder où on met les pieds, quoi, voilà, quoi. Parce que là, c'est pas la même chose. On dit toujours, avant de lever une pierre, faut voir s'il n'y a pas un scorpion en dessous, quoi. Parce que c'est pas la même chose, quoi. Puis c'est, la différence, c'est que c'est des continents, quoi. Nous, c'est des petits pays, c'est pas la même chose, quoi. On a vite fait le tour, ici. Eux, c'est des pays, c'est des continents, quoi. Et ils vivent là, au milieu des bois, quoi. À faire des feux de camp tous les jours. Bah, vivre quoi. Vivre. Oui, mais moi ce que j'aime bien chez eux, c'est ça quoi. C'est comme si c'était une grande famille qui ne ils sont solidaires entre eux quoi. D'accord, c'est comme partout. Hein. Il y a un chef, ça c'est certain. Tu peux aller dans n'importe quelle tribu. Ouais, mais un chef qui est beaucoup plus égalitaire que ici, nos chefs qui sont injoignables et qui pètent tout là-haut et qui pensent pour nous. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il faut essayer de relativiser quand même. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Quoi. C'est vrai que le chef là, même le chef que j'ai rencontré là-bas, il s'occupe de son peuple. Quoi. Qu'il a un petit gamin qui a un problème, c'est pas grave. Il va dans la nature, il va chercher les herbes, il broie et il met sur la blessure. Et c'est le chef. Ils s'occupent entre eux, quoi. Ils sont solidaires entre eux, que nous, en tant que nous, ici européens, on a perdu, quoi. Enfin, politiquement parlant, à la rigueur. Les politiques, ici, c'est comme ici, hein. Tout ce qui l'intéresse, c'est son téléphérique, quoi. Ils ne pensent pas qu'il y a les gens... La tortue, tu l'as déjà vu? Non, tu l'as vu, la tortue dorée, là? Oui, la tortue dorée, ou alors ce qu'il a mis devant la tortue, quoi. On a une citadelle qui est du 18e, du 17e. Et il va mettre un truc super moderne devant, ça choque. Ça n'a rien à voir avec... Je ne suis pas contre le changement, le modernisme, mais qui... Mais tu peux en l'être. Oui, c'est mal de le dire, de l'être. Non, ce n'est pas une question que c'est mal. C'est une question, c'est une question de vue. Tu peux être critique par rapport à cette société moderne. Non, on peut être critique vis-à-vis du modernisme, mais quand on sait que c'est... Quand c'est des... Comment je dis, pas comme un musée ou une pièce qui a 3000 ans, quoi. Je ne vais pas mettre une pièce de 3000 ans avec une batterie d'aujourd'hui à côté. Une batterie de... Ça va choquer, tu vois ce que je veux dire. Ou alors, adapter au paysage, plus ou moins, quoi. Mais maintenant, ils ne le font plus, quoi. Allez, on remet... Ou des maisons carrées, là... Ça choque dans le décor, quoi. Mais bon, voilà, quoi. C'est l'évolution, hein, ça. On ne saura rien changer, de toute façon. Tu crois qu'on ne pourra rien changer? Non. C'est comme ça? Non, c'est comme ça, parce qu'ils savent bien, que... Je ne vais pas dire qu'on est des pigeons, hein, mais bon. Mais ils savent bien comment contrôler le peuple. Hein. S'ils savent bien qu'ils ont à 80% pour gagner, ça veut dire qu'ils ont convaincu 80% de personnes. Puis voilà, c'est tout. Oui, mais bon, il y a eu les élections, on en parlait hors micro, il y a eu le premier tour des élections en France pour un nouveau président. On a appris que c'était un duel entre Macron et Le Pen. Tu disais d'ailleurs que tu étais content de Le Pen. Enfin, ouais, je sais pas que je suis pour Le Pen, parce que moi, c'est politique. Enfin, chacun son travail, tu vois. Mais bon. Ce que je voulais dire, moi, c'est qu'il n'y a pas 80% qui ont voté. Il y a plein d'abstentions. Tu comprends? Mais il y a un truc qu'il faut savoir aussi. Vous savez, c'est comme ici. On fait voter les gens pour rien, à la rigueur. C'est déjà plusieurs fois arrivé dans notre pays aussi. On fait voter les gens pour rien, tu veux dire? Oui, parce qu'ils ont déjà voté entre eux. Ils savent déjà à l'avance qui va monter. Mais non, mais... Tu veux dire que ce sont des élections arrangé, truqué. Non, pas truqué. Je n'ai pas dit que c'est truqué. Mais moi, j'ai dit que ce sont des élections arrangées. C'est déjà arrangé. Bah, truqué et arrangé, ça veut dire la même chose, non? Ouais, non, pas dans le dictionnaire. Non, mais je veux dire, quand on se comprend... Ouais, on s'est compris. Oh. On s'est compris, je rigole. Truqué, arrangé, ça veut dire qu'il y a... Faut pas oublier qu'ici, dans le pays, on est resté 3 ans, presque 4 ans sans président. Hein. Et qu'est-ce qu'il y avait, les gens? Ça n'a rien changé. Les gens vivaient autant... Qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ben, les gens vont toujours au magasin. Les gens... Donc, on se demande parfois, enfin, pour celui qui a les yeux un peu ouverts, à quoi ils servent? À quoi ils servent, ces gens-là? À quoi ils servent? Enfin, mais vraiment... À quoi ils servent? On se demande à quoi ils servent. Ah oui, on s'en met plein les poches sur les gens. Parce que moi, quand je vois cette époque-ci, que nous, on est plus ou moins dans le même âge, quand on voit les années 80, tout le monde va te le dire ici, de nos âges. Oh, les années 80, tout le monde était tranquille. Que ce soit les étrangers, ils étaient contents aussi. Tout le monde était tranquille. Et il n'y avait pas cette guerre, cette zizanie, ce truc qui a de plus en plus, de plus en plus. Ou alors presser le citron, payer pour les autres. Pourquoi j'aurais payé pour les autres? Moi, je comprends pas, quoi. C'est pas que... Tu crois que dans les années 80, ça se passait bien, toi? Ah ouais, c'est... on était mieux dans les années 80. Hein. Peut-être toi? Non, pas moi, tout le monde. Alors oui, c'était moins... Ok, je... Moins structuré, moins carré, maintenant, c'est... Mais ça veut pas dire que... Ça veut pas dire que... Il y avait moins de guerre, je sais pas quels étaient les conflits dans les années 80. Non, moi, mais je parle du pays, hein. Tu dis? Je parle du pays, hein. En Belgique, pas de la terre entière, hein. Je parle du pays. Quoi. Je parle oui, du mais pays. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée qu'on ne peut jamais regarder son... Ne le prends pas mal, hein. Non, son nombril... Je veux dire, la Belgique, elle a été colonisée l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Non, oui, elle s'est fait des couilles en or, comme on dit, parce qu'elle est allée massacrer les gens, pomper, et ça continue aujourd'hui, tu vois. Donc regarder simplement en se disant, ouais, dans les années 80, je parle simplement de la Belgique, tu dis, mais tu peux jamais regarder. C'est ça que je trouve qui manque quand tu parles avec les gens, d'être vraiment critique et lucide sur le monde dans lequel on est. On fonctionne pas tout seul. Le pays fonctionne pas tout seul comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça je sais. Je connais l'histoire, hein, y a pas de souci. Je connais l'histoire. J'aime bien l'histoire. Alors, les Grecs et tout, je suis assez dans l'histoire, je connais. Mais je trouve que c'est pour ça qu'il dit faux. Ils n'arrangent pas les choses, quoi, pour moi. Le politique? C'est de pire en pire. Le politique? Politiquement parlant, ouais. Ouais, moi je pense qu'ils ont tout. Enfin voilà, c'est une longue histoire aussi. Hein. C'est une longue histoire. Ça me fait penser à. Toi tu parles que tu aimes bien faire des feux, chasser dans la forêt. Voilà, être... Si je ferai un feu de camp ici, ils vont faire tout un cinéma. Ah tu m'étonnes. Voilà quoi. C'est fini ça. Ou alors, il faut partir là où les gens vivent là, plus proche de la nature. Quoi. Ouais, quand on était jeune, par exemple, quand on était gamin. Les gens étaient dehors, quoi, en face de leur maison, assis. Mon voisin, il sortait avec sa table et tout, son petit café. On voit plus ça maintenant. Et comment ça se fait, ça, qu'on voit plus ça maintenant? Je sais pas. Modernise. Ou alors les interdits, comme ils disent. Parce qu'ils interdisent au fur et à mesure. Ils interdisent au fur et à mesure. T'as oublié ta ceinture de sécurité? Une amende. Parce que tu fais une cigarette et tu conduis? Une amende. Pour finir, t'as plus de liberté, quoi. T'as plus de liberté. T'as plus de liberté. Regarde, tu dois faire pipi. Si tu dois faire pipi, là, la police, elle passe, t'as une amende. Parce que t'as pissé là. Ben, je dis, je vais pas pisser dans mon froc. Hein. T'as pas de chiottes dans ton bateau? Si, il y en a une. Non, mais c'est vrai. C'est de plus en plus carré. Et c'est ça, et je suis pas le seul. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui quittent l'Europe pour ça. Parce que dans ces pays-là, voilà quoi. C'est comme le risque zéro, hein, ça n'existe pas. Ils ont encore déclaré il n'y a pas longtemps. Ouais, d'ici 2050, il n'y aura plus d'accidents en Belgique. Mais c'est impossible. C'est impossible. Il y aura toujours des accidents. Des accidents de quoi? De bagnole? N'importe quoi. En général? Ouais, en général, c'était pour les accidents de voiture. En général. Mais... Je crois que tu parlais accidents en général. Non, quand même pour la voiture. Ouais, non, ils ont... Enfin, pour la radio, qu'ils ont dit, c'est... on ne veut plus d'accidents en 2050 avec les voitures. Les... Mais c'est impossible. C'est impossible. C'est ça que je dis. Ils veulent vraiment... Que les gens soient, voilà quoi, comme des petits soldats. On lève le doigt pour aller faire pipi, comme à l'école. Regarde ce matin, ici ce matin aussi, ce matin je vais ici au GB. Bon, je prends mes commissions, donc j'ai un petit bac, comment on appelle ça, enfin, le bac, enfin, un petit bac qu'on porte, là. Ouais, un petit bac, quoi. Enfin, je dirais un bac. Caddie, quoi, ton petit caddie. Un petit caddie qu'on porte. J'arrive à la caisse et tout, maman, oui. Une femme sourde, elle me regarde, « Eh, monsieur, faut pas sortir avec le bac, hein, faut le remettre en place. Hein. » Ben, je suis à la caisse. Ah, moi, j'ai remis à sa place. Mais vous êtes qui, vous? Je suis à la caisse. J'ai pas le temps de retirer mes commissions. Vous me demandez déjà d'aller mettre le caddie à sa place. Ouais, toujours des tics. Et puis, c'était le jour, quoi. Donc, je paye. La caissière me remet de l'argent. Elle me redonne un billet qui est complètement collé. J'ai refusé. Et elle m'a refusé de changer le billet. Ah ouais? Elle m'a refusé de changer. Ah non, monsieur, vous devez retourner à l'entrée, là, où on fait les... Pour changer le billet? Pour changer le billet. Et tu l'as pas fait? Ben, si. Si, je l'ai fait. Alors, il y avait toute la queue, là. Ben, c'est vrai que, moi... par rapport à certaines personnes, la petite vieille qui était devant moi, allez, hop, et c'est parti. 3 heures, ouais, parce que mon petit chien, parce que ma petite fille, maman. Et... Avec toi? Non, pas avec moi, avec la personne qui voulait me changer mon argent, quoi. Elles discutent ensemble, quoi. Oh, elle a duré 10 minutes avec son histoire. Et mimi, et maman, toute son histoire. Excusez-moi, maman, moi je suis ici pour juste changer 20 euros. Hein. Moi aussi, j'ai mon chien, j'ai mes oiseaux, je peux vous raconter ma vie, hein. Il y a des gens derrière, quoi. C'est sûr, mais c'est aussi le signe que les gens sont en manque de se parler les uns avec les autres, hein, non? Tu te dis pas ça? Je dis pas le contraire, mais pas dans un magasin ou voilà, quoi. Des fois, c'est le seul lien que les gens ont avec les autres, quoi. C'est dans les magasins, tu vois ce que ouais, je veux dire? Je sais bien, c'est parce que ce qui s'est passé aussi avec le corona et tout ça, la bande de communication, ça fait beaucoup aussi. Le cerf humain, c'est comme ça aussi. Hein. Il a besoin de communication, ouais, ouais. Ça c'est certain. Mais quand je raconte toute sa vie devant la caisse, faut pas exagérer, quoi. Mais oui, c'est sûr. Après, ouais, je comprends. Et tu lui as fait la remarque et elle l'a bien pris? Oui et non, parce que j'ai parlé poliment quand même, quoi. J'ai écouté, madame, c'est juste pour 20 euros. Oui. Allez, elle monte, allez. On ne met pas la charrette avant les bœufs, quoi. Non, mais il y a une négativité qui est là, quoi, maintenant. Qui est vraiment là. Les personnes sont agressives, quoi. Ouais, ils se permettent, quoi. Ah, monsieur Mimi, ah, monsieur Ma, je suis plus un gamin. Attends, on n'est plus des enfants. Hein. Ah, qui te parle comme ça? Pas tout le monde, heureusement. Pas tout le monde, heureusement. C'est ça. Mais moi, c'est mon karaté, je remets en place. C'est? Mon karaté, je le remets en place. T'as rien à me dire, quoi. Voilà, quoi, c'est tout, quoi. Si je suis pas dans mes bottes, je peux comprendre, et encore, je peux reconnaître mes erreurs, hein, parce que tout, on n'est pas parfait. Mais quand je suis droit dans mes bottes, moi, je les remets en place. Voilà. Ça te plaît pas, ben, c'est ton problème. De toute façon, moi, je vous connais pas. Je dis, vous êtes qui? Moi, je vous connais pas. Vous avez rien à me dire, quoi. C'est tout, quoi. Mais je reviens avec ça parce qu'on en a un petit peu parlé, alors ça fait comme si on voulait un peu s'échapper, mais quand même, on en a parlé. C'est que Le Pen, là, ouais. Là, Le Pen... Ouais, et Macron, toi, tu votes Le Pen? Non, moi, je vote personne. Non? Personne. Non, aucun des deux. Moi, je suis pour la liberté. Quoi, donc, Libertà. Che Guevara. Che Guevara. Il est mort, lui, hein? Oui, je sais, mais bon. Je sais bien, mais bon. Ouais, pour les gens... C'est pas qu'il est mort d'une mort naturelle, hein? On l'a buté. Ouais, mais moi, je suis pour les gens qui ont lutté pour la liberté. Un peu aussi, si on va un peu plus loin, Gandhi. Même chose aussi, abattu. Pom. Tous les gens qui ont défendu la liberté, on les a éliminés. Pourquoi? Parce que ça va en contre de la société des politiques. C'est contre. Si on vient du Nazarien, je ne suis pas croyant. Le Nazarien, c'était la même chose. Je ne doute pas que le Nazarien... je veux dire Jésus, c'est plus facile. Je ne doute pas que cette personne a existé. Elle a peut-être existé, mais ça ne va pas dans le concept. Ça ne va pas dans le concept. Parce que ça fait comme une révolution, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont éliminé. La preuve pour ce Pilate, c'est laver les mains. Parce que ça va pas, ça va en contre de la contre du pouvoir de dire, voilà, de certaines personnes qui disent, Il lève le doigt et toi tu suis le doigt. Toi tu vas là et tu dois aller là. Et on est encore sur cet empire-là. Encore à l'heure actuelle, même ici en Europe. Encore ici en Europe. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça le problème, quoi. De plus en plus, ils individualisent les gens, quoi. Et ça va pas, ça n'ira jamais, ça va terminer par une guerre. Comme d'habitude. Encore une guerre, quoi. Même s'ils capitulent, quoi. C'est pas ça qui va lui faire changer sa façon de penser, quoi. Il faut carrément les dégommer, ceux-là. Hein. Non, c'est pas une question de dégommer, parce que tuer une personne, c'est facile. Quand je dis dégommer, ça veut dire qu'il faut changer tout, quoi. Il faut reprendre tout à la base, il faut tout raser, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est, tu vois. Parce que, non, quand on disait... c'est moi qui l'ai pris comme ça. Parce que tuer, c'est trop facile, quoi. Toi, tu restes là, mais lui, il est parti. Non, c'est trop facile, ça. Alors, je préfère le marquer, mais il le pensera toute sa vie. C'est pas la même chose. Le marquer. La torture, quoi. Non, le marquer. C'est la torture. Mais j'essaie de comprendre. Ça veut dire quoi? Marquer, c'est un peu comme... on va venir un peu chez les catholiques, voilà, quoi, un peu catholique. Hein. Quand tu acceptes, quand tu vois soi-disant ce qu'on appelle Lucifer, machin, il te donne une marque, donc t'es marqué. Mais t'es marqué pour la vie, même que tu meurs. Donc toute ta vie, tu y penseras. Et si t'es mort? Non, oui, là... Ouais, mais ouais, oui, mais explique-moi bien, parce que je comprends pas. Mais non, oui. Mais tant que tu seras vivant, ce sera toute ta vie. Jusqu'à ta mort, allez, je vais dire. Je me suis mal exprimé, alors. Et que quoi, tu seras marqué. C'est comme si je... Mais quoi, tu crois que parce que t'es marqué... ok, je comprends ce que tu veux dire. T'es marqué physiquement, mais même psychologiquement. Tu crois que ça change les choses, comme ça? Non. Changer, non, il ne changera pas, mais il sait qu'il est marqué. Parce que là, on parle du pouvoir, hein. on parle du système dans lequel on est, de se dire que comment changer la donne, quoi. Moi, je te disais, je ne sais plus le mot que j'ai utilisé, oui, il faut les dégommer. Ouais, et puis j'ai précisé ce que je voulais dire, que je voulais... oui, l'idée, c'est de dire qu'il faut tout raser, il faut tout recommencer à zéro, quoi. Ça, tu vois. Et toi, tu dis, il faut aussi les marquer. Et comment les marquer? Aller faire boue dans leur bureau? Non, toucher son corps, le marquer, quoi, c'est tout, quoi. Le toucher. Une marque qui lui permet de dire que, le souvenir. Ouais, regarde, j'en ai une ici. C'est quoi comme souvenir, ça? Un accident que j'ai eu. Ben voilà, elle est là. Donc, t'es marqué à vie, jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que je suis marqué. Ouais, mais j'essayais de comprendre le lien que tu fais avec le pouvoir, mais bon, voilà, on va pas non plus... C'est même mieux que psychologiquement, parce que le psychologique, tu peux le travailler, donc tu peux le faire disparaître. Mais si t'as une marque sur la balafre, quand tu te regardes dans la glace, il le fera pas une deuxième fois. Il le fera qu'une fois. S'il le refait une deuxième fois, il a une autre de l'autre côté. Troisième. C'est ça. C'est comme mettre les deux doigts dans l'électricité. C'est comme mettre les deux doigts dans la prise. Ça, ouais, je sais, j'ai vu. Ouais, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pour venir chier, non. Hein. Emmerder le monde, non. Hein. Que tu sens, je m'en fous. C'est parce qu'on voit la petite bête là. Comment il s'appelle? Voilà, hein, Achille. Achille. Mon fox terrier Achille. Non, hein, viens pas pleurer. Va dans ta couche. Allez. Tu devrais l'habituer à. Tu devrais l'habituer à ce qu'il se balade et que ça pose pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Il se balade, le chien. Qu'il soit libre, de monter, là, de porter, tu vois? Il a 4 mois. Hein. Oui, mais de lui apprendre. Il a déjà failli sauter. De lui apprendre. Oui, mais chaque chose en son temps. Hein. C'est la première fois que je bouge avec le bateau avec lui. Il était habitué à dire non. Hein, de monter à bord, sortir, c'est pour ça que j'ai son gilet pour lui. Attends, hein, tranquille. Alors, à chaque écluse, je le mets à l'intérieur, parce qu'avec les écluses, c'est différent. Mais il se balade ici avec moi, il était pas de dîner jusqu'ici, il était ici avec moi. Tranquille, quoi. Ah ouais, non, tranquille. Toi qui aimes la liberté. Il s'est assis là. Toi qui aimes la liberté. Non, mais je demande qu'une chose avec lui, qu'il obéisse, c'est tout. Et je ne demande pas assis, couché, debout. Hein. Moi, je demande... qui s'assied, c'est tout. Quand je sors là, il s'assied. Pourquoi? Parce qu'il y a le bord, il y a le bord, qui se met là. Le bord de l'eau, quoi. Le bord de l'eau, que quand je mets sur le quai, qui s'assied le temps que moi j'ai le temps de passer. C'est tout ce que je lui demande. Quand je pars par là, il s'assied, tu t'assieds, tu laisses passer les autres. Mais il faut le temps, hein, il n'a que 4 mois. Hein. ok, mais moi, c'est parce que tu serais toi aussi plus tranquille, et lui aussi, tu vois, il vivrait sa vie, et toi, ouais, la tienne. Il a encore trop opté pour ça. Il fait pas encore attention, il voit quelque chose, il court derrière, c'est un fox terrier. C'est un chasseur, un papillon, il court derrière. Ouais, c'est un tout jeune, quoi. Bah oui, il est tout jeune, il est tout jeune. Bah, il va, ça va, quoi. Il n'y a pas de souci, je sais pas, je suis content. Il est bien. Et c'est un peu son... Il a vraiment la petite gueule, il est trop, trop mignon, tout fin comme ça. Ils sont des champions. J'ai acheté ici. Hein. Enfin non, pas ici, du côté d'Ivoire, j'ai acheté. Ils ne faisaient que des fox terriers. Ah ouais? Ouais, que des fox terriers. Il y avait lui, voilà. Blanc, mais tant pis. Pourquoi, il existe d'autres couleurs? Ouais, brun. Tout brun alors? Tout... Ouais, plus brun. Plus brun que blanc? Ouais, voilà. Bah lui, il est blanc, mais tant pis. Mais là, la gueule toute noire. Là, c'est un beau masque. Et quoi, quels sont tes projets, toi, alors, maintenant, parce que... Maintenant? Ouais, t'es dans ton... Enfin, ouais, les gens le voient pas, hein, mais c'est un petit bateau comme ça, tout mignon. C'est un Westerly. C'est un Westerly. C'est un bateau anglais. Celui qui va... Je peux conseiller, hein, celui que... Franchement, celui qui est intéressé par les bateaux, il faut acheter du français, de l'anglais et de l'hollandais. Et les hollandais. Pourquoi? Parce qu'ils ont... leur structure est plus solide et moins fragile, que c'est du costaud, quoi. Voilà, quoi. Et t'as le drapeau... du coq, wallon? Ah bah, je suis à Carolo. Nous, on a du charbon dans les veines. Ah ouais, je suis pas un Amurois ni un Dinantois. Nous, on a du charbon dans les veines. Quoi, ça veut dire quoi, on a du charbon dans les veines? T'es fier de ça? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Chez nous, hein, on est fier de ça. Pourquoi? Enfin, pourquoi non? Par rapport à la vie, peut-être. Parce que faut pas oublier qu'on est des descendants de mineurs. Hein. Mon arrière-grand-père était mineur. Mon grand-père était mineur. Des deux côtés, c'est bien de ma mère que de mon père. Et mon père, non, lui, il travaillait en fonderie. Là. Mais on a eu dur, quoi. On a une jeunesse qu'eux n'ont pas ici, quoi. Qui, eux? Ici, les Namurois? La nouvelle génération, je veux dire. Ah, voilà. Que eux. Je me suis mal exprimé. Ouais. Ouais, t'inquiète. La nouvelle génération, voilà, quoi, c'est par le même, quoi. Nous, il fallait travailler... Enfin, je vais pas dire travailler depuis gamin, mais il fallait remplir son assiette, quoi. C'est plus comme avant, quoi. Mais est-ce que tu es d'accord avec cette idée? Tu peux t'énerver, hein? Non, pourquoi? Non, mais voilà, on discute. C'est marrant parce que quand tu parles avec des gens, comme toi, là, ici, maintenant, ils ramènent l'histoire à un moment donné. Tu vois, évidemment que dans les mines, c'était pas gay. Moi, j'ai donné beaucoup la parole à des gens qui ont travaillé dans les mines. Il y a même un vieux monsieur qui avait sa voix toute abîmée parce qu'il avait travaillé dans les mines et qui regrettait ce temps de travailler dans les mines. Mais j'ai l'impression que... Ces gens oublient le moment où ils ont été forcés à travailler. Tu vois, à la base, je simplifie l'idée, mais on était libres dans la forêt. tu vois ce que je veux dire? Et souvent, les gens, ils oublient... c'est dingue, quoi, le conditionnement, tu vois. C'est à partir des mines, on dirait que la vie s'est faite. Mais non, quoi, il y a avant les mines... Tes ancêtres, ils faisaient quoi? Et tu vois, et de remonter comme ça dans le temps, tu vois, un peu? Je comprends ce que tu veux dire. Mais je crois que on donne tout trop facilement. Tu vois, quand tu n'as rien, c'est pour ça que j'aime bien cette vie-là. De rien avoir, tu es obligé de le créer. Moi, il y a des tout au début, quand j'ai commencé à faire... maintenant, on dit craft, enfin, maintenant, c'est du craft ou un truc comme ça qu'on dit sur Internet pour les gens qui vont dans les bois, les machins... Je sais pas, ça... De la supervivance, moi, je parle. Quand on parle en supervivance, le minimum possible. Donc, si t'as pas de cuillère, t'as pas de couteau, il faut le faire. Et c'est ça qui donne satisfaction. Enfin, c'est personnel, quoi. C'est ça qui me donne satisfaction. Que d'aller dans un magasin chercher une cuillère, par exemple. Je la fabrique, je la fais. Mais quel est le lien? Moi, je ramène toujours ça. Quel est le lien que tu fais entre... parce qu'on parlait des mines, de Charleroi, de la fierté de ça. Et moi qui te dis, oui, mais souvent, les gens sont fiers de cette période-là, alors que c'était quand même l'horreur de travailler dans les mines. On le sait. Comme si les gens oubliaient avant les mines, qu'est-ce qu'ils étaient eux et leurs ancêtres, quoi, tu vois. Pourquoi tu me parles alors du coup de maintenant et de d'aller dans la forêt et... Ouais, c'est ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Je dis que moins t'as, plus t'as de satisfaction quelque part. Parce que maintenant, quand tu vois l'évolution, on parle d'évolution là, donc quand on revient dans le futur et tout ça, maintenant on te donne, ça dure quoi? Un mois? Ça c'est aujourd'hui. Un mois et tu jettes. Mais quel est le lien? J'essaye de comprendre parce que tu vois, on ne se connaît pas et des fois notre langue n'est pas la même, les mots ne veulent pas forcément dire la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça alors que je te parlais, qu'on parlait des mines? Parce qu'à tenir moins, ils sont groupés. Ils savent qu'ils ont besoin les uns des autres. Les mineurs, ou à la rigueur, les mineurs, à la rigueur. La satisfaction de dire, ah, je peux compter sur mon collègue. Même si j'ai rien, je vais chez lui, bah, il aura peut-être un kilo de patates à la rigueur. Que maintenant, tu vas sonner, je peux avoir un peu de sel. Du c'est qui, celui-là? Ouais, je suis d'accord. Tu vois, l'individualisme, c'est ça. Quand tu retournes dans le passé, les gens étaient ensemble. Tu connaissais ton voisin, tu peux aller boire une tasse de café, même le facteur. Allez, on avait le facteur qui venait avec sa bicyclette quand j'étais gamin. Il rentrait à la maison, il venait sa petite tasse de café. Quand il arrivait à la fin de la journée, il était... Il était quoi? Il était bourré, ouais. De la petite goutte. Allez, maintenant, c'est quoi, maintenant, quoi? Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tout Internet à travers une machin. Il n'y a plus de contact de peau, de visuel ou... Et à ton avis, c'est dû à quoi, ça? Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Comment ça se fait? Moi, j'ai ma petite réponse, hein. Mais... Toi, tu le vois comment? Je sais pas, le modernisme, voilà, quoi. De tout simplifier au lieu de... Parce que c'est vrai, quelque part, je suis pas contre la technologie, hein, au contraire, parce que j'en ai aussi. Moi, de mon temps, le GSM, ça n'existe pas. Hein. On a mis déjà gamin, on a mis des années pour avoir une télé en noir et blanc, quoi. Que t'es déjà un miracle, avec toutes les antennes, avec une noire. Tu vois, bon, putain, la télé, quoi. Ouais, on était contents, parce qu'on avait trimé pour ça. Mais maintenant, quoi? Maintenant qu'on a la télé et qu'on a tout ce qu'il faut, on en revient au même. Pourquoi? Parce qu'on est encore comme des enfants. Un enfant, c'est quoi? Tu lui donnes un jouet. Ça va durer combien de temps? 3 heures après, son jouet, il est là. Hein. Et voilà. Il ne sert plus à rien, quoi. Il ne sert plus à rien. Et il va traîner là dans un coffre. Et après, quand il sera plus grand, pour les souvenirs, « Oh, je me souviens quand j'étais gamin, mon petit hochet. » Mais pendant ce temps-là, il est là plein de poussière, quoi. Il pousse les gens à la consommation. À la consommation. Avant, c'était interdit. Les publicités, là, qu'on ne voyait pas, quoi. À travers... T'as connu, hein, on a connu ça, hein, c'était interdit. Parce qu'ils mettaient une publicité, plus encore une petite publicité en dessous. C'était interdit. Ça a été supprimé. Pendant 5-6 ans, ça a été supprimé. À la télé, ça, ou... Oui, à la télé. Pour influencer le cerveau. Mais c'est qui pense à ça? Ben, tous ces gens-là. Hein. Voilà. Et on en revient à ce que je te dis. Donc, manipulation mentale. Et quand ils ont leur 80%, ils sont gagnants et ils restent sur le trône. Et il y a des gens qui sont différents, peut-être comme moi, comme toi, et qui disent ouais, moi, tu ne vois pas ma voix avec tes belles paroles. Hein. C'est comme ici, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Le bourgmestre ici, j'ai oublié son nom. Prévost, la même chose. Quoi. Voilà, Prévost, c'est la même chose. Quoi. Je regardais sur Internet, parce que comme j'étais contre lui, je regardais sur Internet. Quand tu l'entends parler, parce que quand tu l'entends parler, il y avait un truc qui disait, ouais, mais faut pas faire. Faut, on peut avoir des discussions, faut pas mettre les doigts dans le pot de confiture. Quand tu entends parler à un politique comme ça, mais je dis, c'est quoi ça? Alors moi, je mets ma main dans ton pot de confiture, mon gars. Tu vois, des paroles. Parce qu'un politique, quand même, ils ont une forme de parler aussi, hein, faut pas croire. Bon, avant, j'ai la chance, j'ai ma marraine, elle plaît-il. Voilà. Mais bon, assoyez-vous et pas assis. Donc, hein, la petite. J'ai mon côté aussi luxe. Hein. Voilà, quoi. Non, mais disons avec. Ce qu'il y a, c'est que mon père et ma mère, c'était la belle et la bête. Quoi. Voilà. Voilà. Ma mère, c'était les trois petits verres devant, la petite cuillère, le machin, les ninis, nanana, la cravate et le machin. Et moi, non. Moi, c'est plutôt vagabond, avec des trous partout. Voilà, quoi. J'ai ce côté-là, quoi. Mais bon, c'est pas pour ça que j'ai pas mon intelligence, quoi. Et j'ai les deux côtés, quoi. Je peux très bien, la preuve que pour le Club Med aussi, hein, je peux rendre, j'ai travaillé avec, j'aime bien travailler avec le tourisme aussi. Mais bon, avec l'espagnol et les langues, avec un peu l'anglais, ça va, quoi. Mais j'ai travaillé dans des salles, c'était des personnes d'un certain standing, hein. Si tu vas, par exemple, à Ibiza, c'est pas n'importe qui, hein. L'île où on se pète la tronche, hein. L'île où on se pète la tronche. Mais quand tu vois, mais ce qu'il y a, c'est que les gens se rendent pas compte. Parce que c'est vrai qu'Ibiza, c'est cher. Les gens ne se rendent pas compte. Quand on va à Ibiza, on va reconnaître des têtes. Pendant que les autres sont en train de trimer ici, comme ils sont en train de trimer. Quand tu vois les enfants d'eux, les fils d'eux, les machins, tu dis, qu'est-ce que vous faites là, eux? Ah ouais, non, hein, sous le compte des contribuables. Et ils n'ont pas peur de le dire. Hein. Tu veux dire que ce sont des politiques? Non, les enfants des politiques. Ah. Les enfants et certains politiques aussi, bien sûr, qui vont à Ibiza s'amuser. Mais ça... T'as vu ça? Hein? Tu as vu ça, toi? Ouais, j'ai fait Ibiza, j'ai fait Majorque, j'ai fait pas mal de trucs, ouais. Donc, ça te donne une idée de, voilà, comment la manipulation du peuple, enfin, qui a toujours été, quoi. C'est comme cette histoire ici avec la guerre avec Poutine, seulement, hein. C'est pas que je suis contre Poutine, quelque part. Ouais, mais attends, entre guillemets, parce que tu me regardes. C'est pas que je suis contre lui. Il fait ça pourquoi, lui? Il fait ça pourquoi? Parce qu'il ne veut pas de l'Europe dans son pays. Il ne veut pas de l'Europe à sa frontière. Il ne veut pas de l'Europe à sa frontière. Mais le problème, on peut arranger les choses autrement que de nouveau sacrifier le peuple. C'est toujours le peuple. C'est toujours les peuples qui prennent dans la tronche pour des politiques de merde, quoi. Pour des politiques de merde. C'est ça le problème, quoi. C'est ça le problème. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'on voit l'autre, là, le président ukrainien. C'est ça, ouais, le président ukrainien. Il va chez Poutine, une table ronde, et ils sont là en train de discuter. Pendant ce temps-là, le président ukrainien, il y a son peuple qui est en train de se faire massacrer, mais il est quand même à la table de Poutine, en train de discuter. Tu vois, c'est des trucs, ça, c'est des trucs que je dis, putain, merde. Quand tu vois, on dit peut-être au 18e ou au 15e, mais le roi était devant sa troupe. Il était... Ouais. Ah ouais, le roi a toujours été devant sa troupe. Ah, moi, j'ai toujours vu les puissants... Intouchable. Les rois étaient devant leurs troupes, comme Napoléon. Napoléon, il était sur le terrain, avec ses hommes. Et maintenant, on les envoie au casse-pique, mais ils sont à l'abri. Ils ont leur bunker. Voilà. Toi, tu coupes la nourriture, mais à eux pas, quoi. À eux pas. Ouais, c'est dégueulasse, c'est vraiment... Dis-moi, Christophe, ouais, il reste plus beaucoup de temps. Ce serait bien de terminer ou de continuer, mais enfin voilà, on va vers la fin. C'est quoi ton prochain voyage, là? T'attends quoi ici, à Namur? Je me suis posé ici parce que pour les heures des écluses, elles ferment à 7h, les écluses, 7h du soir. Mais elles ouvrent à 6h30 du matin. Et puis c'est un peu fatigant, parce que de Dinan jusqu'ici, il ne faut pas croire, hein, c'est une demi-journée, quoi. Parce que c'est serpentin, là, les écluses, hein, c'est pas droit comme une autoroute. Et voilà, quand je me suis posé ici, je repartais, moi. Mais quoi, ça carbure, il y a du pétrole. À l'essence, j'ai mon moteur là. Je ne sais pas mettre les voiles ici, donc. Comment tu vis, toi? Comment tu as un petit peu de thune? Ici, je dépendais, enfin pas ici, à Dinan et ici aussi, je dépendais du CPS. Parce que voilà, 56 ans, vous êtes trop vieux, vous êtes mimi, vous êtes maman. C'est ça que je comprends pas, quoi. Parce que je passe la frontière, Laquelle? Ben ici, la France ou l'Espagne ou n'importe. Je quitte l'Europe, je passe mon pays, je trouve du travail. Voilà, je trouve du travail, sans problème. Ici, non, je tourne en rond. Tu tournes en rond. Et alors, moi, c'est ça que j'aime pas trop non plus. C'est pas que je suis contre le CPAS, hein, parce que bon, je peux comprendre qu'un certain... Mais le CPAS, pour moi, il devrait pas exister. Mais comment tu ferais alors? Ben, ils ont qu'à donner du travail. Voilà. Faut être logique. Ouais, bon. Quand tu vois les pays où moi j'ai été, il n'y a pas de CPAS, hein, et il n'y a pas non plus de. Comment... Ouais, ou avoir le minimum. Non, moi je trouve. Attends, écoute. Ouais, non, mais avoir le minimum, que les gens crèvent pas de faim ou ne crèvent pas de froid, ou ne... tu vois, qui est le minimum d'office, quoi. Je trouve que la société riche dans laquelle on est peut mettre ça en place, tu vois, avec toute la richesse qui se fait comme ça, qui, tout le gaspillage aussi. Je sais pas si tu es au courant, on est dans les pays où il y a du gaspillage exagéré. Il y a un truc ici qu'il faut savoir, même en étant en vivant avec le minimum, ici en Europe, là je parle de toute l'Europe, tu sais pas mourir de faim. C'est impossible. Impossible de mourir de faim en Europe. D'accord, peut-être dans... Mais ce qu'il y a, c'est que l'approche est différente quand tu vas dans un, par exemple, au Maroc ou au Tunisie ou des trucs comme ça. Là, il n'y a pas là. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas de restaurant du cœur, il n'y a pas de machin. Mais ce qu'ils ont, eux, c'est qu'ils ont l'hospitalité de dire, tiens, si tu veux, tu peux venir manger chez moi. Ben, c'est quand même plus agréable d'aller manger chez quelqu'un. Mais avec les risques, parce que bon, tout le monde, personne, des bons et des mauvais, il y en a partout. Hein, donc, mais bon, ben, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de risque, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Moi, mais je c'est... trouve c'est plus humain comme ça. Parce que c'est ramener à nouveau un groupe dans, la main, dans les mêmes situations, ça ne leur change rien. Je viens, à Dinan, j'allais hein, chez le truc des alcooliques, hein, parce qu'ils aimaient mon petit chien. Quoi. Il y a une réunion d'alcooliques. Donc j'allais là, on discutait, on allait faire des randonnées, des machins. Avec ça, les alcooliques anonymes. Avec les alcooliques anonymes. Que tu es pas. Non, moi je ne suis pas alcoolique. Mais tu as sympathisé avec eux. Sympathisé avec les éducateurs et tout, on a discuté, mimi, maman, c'était bien. Et ça fait quoi? Ça ne les aide pas. Ça les change pas. Qu'est-ce qui va le changer? C'est une journée, et après quoi? Ils ont quand même leur bière dans leur sac. Ils n'aident pas les gens. Ils donnent l'illusion d'aider les gens, mais ils ne les aident pas. Quand tu vois même ici, quoi, des gamins de 19-20 ans, mais on n'aura jamais connu ça dans notre époque, de 19-20 ans qui sont dans la rue, qui dorment sur des bancs, en train de boire comme des trous et fumer de la marijuana, tous ces trucs-là. C'est pas, moi, je suis pas contre. Hein. Moi, je te dis, hein, quand je vois un jeune comme ça, je suis pas contre lui. Hein. Il fait ce qu'il veut. Bon, moi, mon pote, c'est ton corps. Hein. C'est pas pour ça qu'il est stupide, le gars. Hein. C'est parce que t'es un alcoolique et t'es stupide. Hein. En plus, un alcoolique, on dit toujours que les alcooliques disent la vérité. Quoi, donc, c'est vrai. Mais voilà, ça abîme le cerveau aussi, quoi. Mais voilà, quoi. C'est la preuve. Ça donne des preuves par là que... Il n'y a plus de discipline, parce qu'il en faut quand même un peu de discipline pour les jeunes. C'est depuis la nuit des temps, ça, Christophe, que discipline, c'est galère. Discipline et les parents. Toujours trouver des gens qui galéraient, qui étaient dans la rue. Les parents, ouais, mais pas, non, pas. Enfin, tu veux dire qu'il y en a plus? Enfin, moi, c'est parce que je suis né en Belgique, évidemment. Évidemment, ça va? Moi, je suis parce que je suis né en Belgique. Moi, de mon temps, quand j'avais, hein, quand j'avais 19-20 ans et tout ça, même avant l'armée, j'étais dans la rue. Il y avait quand même beaucoup moins de gens dans la rue que maintenant. Hein. Maintenant moi, je le vois en ville. Quand je vais en ville, vraiment, là, moi, je vois... Il y a de plus en... Oui, oui. Oui, mais la plupart, c'est quoi? Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. Je sais pas. Oui, c'est pas des Belges. C'est en cours une fois... On s'en fout. Non, oui, non. Oui, quand je disais pas des belles, c'est pas pour faire... Oui, parce que c'est non, délicat, ouais, la parole. C'est un peu délicat, c'est vrai, je me suis mal exprimé. On est tous des surhumains, pour moi aussi. Mais on fait... Ce qui se passe, c'est que ces nouveaux politiques, ils se rendent pas compte que nous, on est un petit pays. C'est comme si tu mettais 2 millions de personnes sur un terrain de football. Ben vas-y, hein, mets 2 millions de personnes sur un terrain de football. Si le jour, ils se tapent pas dessus, ils vont se taper dessus. Parce qu'en plus, c'est différentes cultures, je dis pas tous, ou l'autre va dire, ouais, ceci, ouais, cela, moi ceci, moi cela, et ça va terminer en jus de carotte. Et c'est ça le problème. On va couper. Ouais. Tu pars au Sénégal, c'est ça? Si tu pars où? Si tout va bien. Non, c'est un projet. C'est, ah voilà, voilà. C'est un projet. Si le destin me dit que j'ai un projet, on verra bien le destin. Quoi. C'est pour ça que je dis le destin, parce qu'il n'y a pas vraiment de phrase pour ça. De phrases pour parler de... Pour dire que, ouais, on sait pas. C'est là, le point fixe, machin, non, quoi. Moi personnellement, moi, je préfère les Caraïbes. Les Caraïbes. Là, les gens sont géniaux, quoi. Les Caraïbes, ou l'Amérique du Sud, en général, quoi. Parce que j'ai fait Brésil, j'ai fait les chutes d'Iguassou, aussi. Quoi, vraiment, les gens sont chouettes. Ouais, franchement. Une autre mentalité qu'ici? Ben, ils ont cette mentalité que nous, on a perdue. Voilà, c'est tout. Ils sont solidaires entre eux. Je vais aller voir, moi. Ça me manque. J'ai envie d'aller voir. Ben, vas-y. Ben, ouais, vas-y. Franchement, vas-y. Il faut sortir de l'Europe. C'est en sortant de l'Europe que tu peux comprendre. Moi, j'ai été en Inde. Ouais, ben là, c'est pas le même Krishna. Hein. Pas que Krishna, il y en a ouais, plein, non, 36 000. Ouais, je sais. Bon, pourquoi pas? Ben, on doit couper. Ouais, voilà. Dis-moi, est-ce que t'as envie de boucler cette conversation par quelque chose que tu as envie vraiment de dire est-ce que tu profites ouais dire aux gens qui écoutent sans problème la liberté pour tous c'est tout merci à toi bah ouais. Christophe la liberté pour tous non je vais chercher mon truc.